Le prix des boules, le prix des moules, le prix des boules. Le prix du fioul, le prix des coules, le prix des roules. Le prix des joules, le prix se moule, le prix des saoules. Le prix de ma boule. Le prix du banc, le prix du temps, le prix du vent. Le prix des sangs, le prix des temps, le prix du champ. Le prix du rang, le prix de l'argent, le prix du sang. Le prix des gens. Le prix des porcs, le prix de l'or, le prix du sort. Le prix des vents, le prix des temps, le prix ma mort. Et des forts, le prix qui dort, le prix en corps, le prix des morts. Le prix des poules, le prix des poules, le prix des boules. Le prix des poules, le prix des coules, le prix des roules. Le prix des jeux, le prix des roules.